Et après 4 ans à la tête d'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Antoine Petit a pris les rênes depuis fin janvier du CNRS, dans un contexte, on va dire, pas tout à fait apaisé ou un peu tendu pour le moins, moins d'un an après la marche pour les sciences qui dénonçait entre autres le manque d'investissement et la précarisation galopante de la recherche française. Alors parmi ses priorités, Antoine Petit a mis l'accent sur le soutien à la recherche fondamentale, mais aussi sur une meilleure collaboration entre public et privé via l'investissement dans des start-up. Quelle est donc sa feuille de route pour cette présidence? Antoine Petit, le nouveau président du CNRS, est notre invité spécial pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Antoine Petit. Bonjour. Eh bien, mille merci d'avoir accepté notre invitation et d'être au micro de France Culture pour ce qui serait en quelque sorte cette première grande sortie médiatique dans l'audiovisuel, tout du moins. Vous étiez d'ailleurs à ce micro il n'y a pas si longtemps que ça, puisque vous étiez là à Noël dernier, en décembre dernier, pour les 50 ans d'INRIA, que vous avez dirigé pendant près de 4 ans. On va y venir avant de retracer ce parcours professionnel et scientifique qui est le vôtre. Peut-être un petit mot d'introduction, un mois et demi après vos prises de fonctions officielles. Quelles sont vos premières impressions à la barre de ce grand et beau navire qu'est le CNRS? D'abord, ça n'a pas été totalement une surprise pour moi, puisqu'on va y revenir, j'avais déjà passé quelques temps au CNRS, mais à la fois, c'est un côté qui n'est pas surprenant, c'est la qualité extraordinaire de tout ce qu'on fait au CNRS, de toute la variation des sujets qui sont abordés, et puis peut-être quelque chose qui, en tant que PDG et le quotidien, c'est que c'est gros, quand même, hein. C'est gros, le CNRS, il faut peut-être rappeler quelques chiffres, hein. C'est 32 000 personnes, c'est un budget de 3,3 milliards, c'est encore une fois une couverture thématique qui couvre à peu près tous les champs scientifiques, donc ça fait beaucoup de sujets à traiter à la fois. Beaucoup de sujets en lien avec, vous l'avez dit, la recherche fondamentale, mais aussi les partenaires industriels, aussi la société, les décideurs, les questions d'intégrité scientifique sur lesquelles on va revenir, la place de la France sur la scène internationale. Donc ça fait beaucoup de sujets à la fois. Alors on va revenir et on va justement essayer d'examiner ces sujets les uns après les autres au cours de cette heure. Peut-être avant, permettez-moi de résumer votre parcours en quelques lignes et puis vous me direz, vous me corrigerez, vous le compléterez à l'issue de ce bref CV que je vais faire pour nos auditeurs, pour qu'ils vous connaissent un peu mieux. Vous êtes agrégé de mathématiques, vous soutenez une thèse en informatique à l'université Paris-Diderot en 85. Oui. Après quelques années en tant que maître de conférence à l'université Paris-Sud, vous décrochez votre premier poste de chargé de recherche CNRS en 91. Au laboratoire de recherche en informatique, toujours à Paris Sud. Oui, c'était un détachement de deux ans. Un détachement de 2 ans. Vous en partez pour l'ENS de Cachan, où vous devenez professeur des universités. 94. Absolument, tout juste. Voilà, en 2001, vous rejoignez le ministère de la Recherche comme directeur adjoint à la direction de la recherche précisément, c'est sous le gouvernement de Lionel Jospin. Oui. Vous retournez en 2004 au CNRS comme directeur scientifique du département sciences et technologies de l'information et de la communication. Et vous y restez 2 ans également, puisque vous êtes détaché à partir de 2006 à INRIA, dont vous devenez le PDG en 2014. On a fait le tour ? On a fait le tour. Au CNRS, j'avais fait autre chose. J'ai fait pendant un an directeur du département STIC, comme vous l'avez dit. Puis aussi, pendant un an, j'avais été directeur interrégional pour le Sud-Ouest, ce qui avait été pour moi une expérience absolument fascinante en termes d'ouverture à la fois scientifique, parce qu'en tant que directeur interrégional, j'avais un regard sur tous les champs disciplinaires couverts par le CNRS, mais aussi en termes de partenariat, puisque une de mes missions, c'était de développer les relations avec les collectivités territoriales. Et ça avait été tout à fait formateur. Vos sujets de recherche en informatique, plus particulièrement, qu'est-ce qui vous a intéressé au cours de votre carrière? Alors moi, comme vous l'avez dit, au départ, j'ai fait des maths, parce que je suis si vieux qu'à l'époque, l'informatique n'existait presque pas. Ça commençait à être enseigné, mais il y avait... Les bons élèves faisaient plutôt des maths qu'autre chose, il faut le reconnaître. En tout cas, les bons élèves en maths, et moi, c'était mon cas. Je sais faire que des maths, donc j'ai jamais eu vraiment le choix. Et après l'agrégation, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'aller à l'université. Et c'était une époque où c'était pas facile de faire une thèse en maths, parce qu'il y avait très peu de débouchés. Et puis, il y avait l'informatique, qui était encore une science naissante, et qui permettait finalement de faire un pont entre les mathématiques, disons, les plus fondamentales, et puis des choses un peu plus près des préoccupations industrielles. Et donc, moi, ma thématique de recherche, c'était les méthodes mathématiques pour vérifier les logiciels. C'est-à-dire que les logiciels, vous savez que ça peut avoir des bugs, que ces bugs peuvent avoir des conséquences dramatiques si c'est un système de contrôle-commande d'un avion ou d'une centrale nucléaire qui bug, c'est plus qu'embêtant. Ça peut avoir des conséquences dramatiques d'un point de vue financier ou humain. Et donc, il y a tout un courant de recherche international qui s'est développé pour essayer de construire des modèles mathématiques de ces logiciels. Donc pour moi, c'était un sujet un peu rêvé, puisque à la fois, ça me permettait d'utiliser mes connaissances et mes compétences en mathématiques et mes appétences pour le formel, et puis aussi, petit à petit, de me tourner vers des choses plus appliquées, plus en lien avec des préoccupations industrielles et économiques. On a dit à votre nomination que le fait d'avoir pour PDG du CNRS un PDG donc mathématicien, informaticien, c'était une nouveauté. Est-ce que c'est le signe aussi d'un changement d'époque? On arrive dans des sciences et dans des sciences appliquées plus contemporaines qu'elles ne le furent naguère? Alors, plusieurs éléments. D'abord, je ne suis pas arrivé au CNRS pour plus développer l'informatique et les maths que les autres disciplines. Je pense que c'est extrêmement important que je sois juste et il faut peut-être même que je fasse attention à ne pas les pénaliser de peur de les favoriser. Pas plus que n'importe quel président avant dans sa discipline, exactement, finalement, ça ne change pas grand-chose. Exactement. Mmh. Mais c'est vrai que quand j'étais président d'INRIA, on expliquait régulièrement que le monde devenait numérique. Et c'est vraiment une conviction profonde. Et la science fait partie du monde. Et donc, c'est vrai que le fait que le président du CNRS soit aujourd'hui un informaticien, c'est probablement quelque chose qui aurait été inenvisageable il y a 30 ans. Et c'est aussi un signe qu'effectivement, l'informatique est devenue une discipline, une science qui est reconnue. Et assez naturellement, l'informatique est partout, le numérique est partout. Et elle est, d'une certaine façon, aujourd'hui, un peu plus présente au CNRS par voie intermédiaire. Et puis elle traverse tous les domaines scientifiques, elle bouleverse le monde entier de la recherche. On en a parlé ici avec l'irruption des mégadonnées, du big data. On fait de la science aujourd'hui grâce à l'informatique différemment qu'on en faisait il y a 30 ans. Alors, on va aborder avec vous votre programme, Antoine Petit, hein, pour vos ambitions pour cette présidence du CNRS, vos priorités, tant sur le fond que sur la partie plus institutionnelle, avec plusieurs intervenants tout au long de cette heure. On a contacté votre prédécesseur Alain Fuchs, ainsi que Peter Strohschneider, qui est votre confrère président de la Fondation allemande pour la recherche scientifique, la DFC. Mais pour commencer, quel est le message que vous souhaiteriez envoyer d'ores et déjà à tous les chercheurs du CNRS, à tous les personnels, à toutes les équipes du CNRS, dans le contexte qui est un contexte d'inquiétude assez assez général, assez à bas bruit, dirions-nous, depuis l'année dernière, sur l'avenir de la recherche, sur la dotation de la recherche, sur les moyens de la recherche, sur même la structure institutionnelle de la recherche en France? Alors, en fait, vous abordez plusieurs sujets là dans votre question. D'abord, moi, j'ai une conviction profonde qui est que la science va jouer un rôle majeur dans les décennies à venir et qu'elle est aussi un élément différenciant entre les pays. Et que le salut de la France va passer par notre capacité à investir dans la science, parce que c'est grâce à la science qu'on va avoir des innovations et donc qu'on va avoir de la valeur et des emplois. Et donc je pense qu'aujourd'hui, pour notre pays, le choix est finalement assez simple. C'est ou bien on veut se transformer en un paradis touristique pour les touristes du monde entier, ou bien on a d'autres ambitions pour notre pays, même si le tourisme est une activité tout à fait respectable. Ou bien on a une autre ambition pour notre pays, on considère qu'il faut qu'on reste un pays industriel et économique, et c'est en investissant dans la science qu'on y arrivera. Et donc ça, c'est ma conviction profonde. Et donc le message que je fais passer aux agents du CNRS, c'est notre rôle est clé. Mais non pas pour le CNRS, mais le rôle est clé pour notre pays, parce que si on regarde ce qu'on fait dans les secteurs qu'on peut couvrir, que ce soit en chimie, en informatique, bien sûr, en énergie, en physique, etc., en sciences humaines et sociales, qui deviennent un domaine dont les applications sont extrêmement importantes, ce qu'on fait est du meilleur niveau international. Donc il faut qu'on mette tout ça au service de la société. Et donc j'ai envie de dire, il faut convaincre la société qu'elle a en France, via le CNRS, mais via aussi les universités et d'autres organismes de recherche, des gens qui sont meilleurs au niveau international. Et il faut aussi convaincre les chercheurs du CNRS que oui, la situation n'est pas forcément simple au quotidien, on va y revenir, mais que leur rôle va être essentiel dans les années à venir. Puis il faut peut-être aussi convaincre la tutelle, les décideurs, les dirigeants, le gouvernement en l'occurrence, de délier un peu les cordons de la bourse, parce que vous évoquiez tout à l'heure le budget du CNRS, 3,3 milliards d'euros pour 2018. Le budget de la France, le budget de la recherche en France étant de 2,26% du PIB. Mais dans ce budget-là, l'argent public, c'est à peine la recherche publique, c'est à peine difficilement 1%. On a tendance à dire qu'en dessous de 3% de la recherche du PIB, la recherche est sous-financée. C'est votre opinion ? Alors, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, et ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau par rapport à il y a 20 ou 30 ans, la recherche est un sport où la compétition est internationale. C'est-à-dire que la mobilité des chercheurs et des étudiants est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était, encore une fois, il y a 20 ou 30 ans. Et donc, il faut regarder combien les autres pays dépensent. Donc, dans l'absolu, j'ai envie de dire, les chiffres n'ont pas beaucoup de sens. Simplement, il faut faire des comparaisons. Et si on regarde effectivement la dépense intérieure brute en R&D, ce qu'on appelle la DIRD, pour parler de ces en sigle, vous évoquiez le chiffre de la France, c'est de l'ordre de 2,25%. La moyenne de l'OCDE, c'est 2,35%. Donc, on peut dire, on se situe dans la moyenne, c'est pas si mal. Un peu en dessous. Maintenant, si on prend les États-Unis, c'est 2,74%. L'Allemagne, c'est 2,94. Le Japon, c'est 3,14. La Corée, c'est 4,24. Et Israël, c'est 4,25. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, si on veut jouer dans la cour des grands, il faut s'en donner les moyens. Sinon, on n'y arrivera pas. Et donc, c'est un choix, effectivement. C'est un choix de pays. C'est un choix aussi européen, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui doivent se concevoir au niveau européen. Et donc, encore une fois, la vraie question, c'est pas les chiffres dans l'absolu, c'est comparons-nous. Et il y a des questions d'attractivité, des questions de concurrence. Et aujourd'hui, si on ne veut pas être décroché, oui, il va sans doute falloir faire un effort particulier. Donc vous dites, parce qu'effectivement, cette inquiétude que je mentionnais, c'est le cas des agents, mais c'est aussi le cas des dirigeants, hein, puisque votre prédécesseur, on ne va pas parler de lui tout de l'heure, mais tout de même, mais ainsi qu'Yves Lévy, ainsi que plusieurs grands dirigeants d'institutions scientifiques, signent une tribune l'année dernière pour dire la France risque de perdre une génération. On risque de sauter une génération si on continue à sous-investir dans la recherche, si effectivement, on n'abonde pas plus au budget de la recherche. Je pense que la situation est même pire que ça, parce que si vous sautez une génération, vous sautez aussi les suivantes. Parce qu'il y a quand même dans la recherche un phénomène de transmission, et que s'il manque une génération, eh bien cette génération manquante ne pourra pas former la génération suivante. Et donc je crois que c'est vraiment un problème majeur pour notre pays, c'est encore une fois de savoir quel choix il fait dans le domaine de la science. Et encore une fois, il faut s'interroger pour savoir pourquoi les pays que j'ai cités, qui ne sont pas des philanthropes, pourquoi ces pays-là investissent autant dans la science, dans la recherche et le développement, et pourquoi nous sommes juste dans la moyenne? Je pense que c'est une question qu'il faut effectivement se poser. Vous avez une oreille bienveillante de la tutelle à ce propos? Vous pensez que vous allez pouvoir réussir à l'aider, à accompagner la main qui délie les cordons de la bourse? Écoutez, d'abord, un, je l'espère, forcément. Deux, ça fait partie de mon job. J'ai envie de dire, comme ça fait partie du job de l'ensemble des présidents d'organismes de recherche que vous avez cités ou des présidents d'université, c'est encore une fois d'arriver à convaincre. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, il me semble que l'argument le plus convaincant, c'est regarder ce qui se passe ailleurs. Comment est-ce que vous voulez, avec un investissement qui est une fois et demie moindre que dans d'autres pays, on n'est pas plus bête que les autres pays, mais on n'est pas non plus intelligent que les autres pays. Et donc, encore une fois, si je compare même avec l'Allemagne qui est presque à 3%, nous, on est à 2,25. C'est-à-dire, ça fait quand même 33% en plus, à quelque chose près. Forcément, ils vont être plus performants. Étant entendu que quand on cite ces chiffres, on cite les investissements publics et privés, et que sur ces 2,25% en France, le privé investit plus, hein, puisque l'investissement public est en dessous, légèrement en dessous d'1%. Alors, pour faire une sorte de bilan un peu, ou de dresser une sorte de tableau aujourd'hui de l'état du CNRS et de l'investissement dans la recherche, nous avons interrogé notre confrère David Larousserie, que vous connaissez, qui est journaliste scientifique au Monde et qui s'intéresse de près aux questions de politique de la recherche. Écoutez son bilan. Le constat, il est bien connu. Il manque de personnel dans les laboratoires. Le CNRS où il est maintenant se trouve confronté à une baisse des effectifs, hein, puisque en gros 300 chercheurs sont recrutés chaque année et en 2010 il y en avait encore 400. Puis l'autre gros problème, c'est celui des contrats courts, des contrats précaires en postdoc, en CDD, qui se sont multipliés ces dernières années. Et ce qu'on voit, c'est que ces jeunes chercheurs qui ont plein d'idées, plein d'envie de rester dans les laboratoires, ne peuvent pas le faire. Et même si on regarde ceux qui sont recrutés, les salaires sont sont pas très élevés et la moyenne d'âge d'entrée au CNRS c'est aujourd'hui presque 30 ans pour avoir un peu de stabilité. Alors ça crée un climat de compétition entre les gens, d'incertitude sur l'avenir. C'est renforcé par d'autres aspects puisque depuis maintenant un peu plus de 10 ans, les moyens financiers, on les a déplacés des organismes de recherche vers les agences de financement par appel d'offres. Et on a créé comme ça une compétition, mais qui génère des inégalités. Alors avec des laboratoires qui sont beaucoup mieux dotés que leurs prédécesseurs, mais avec d'autres qui ont moins. Et il n'est pas rare de trouver des équipes de recherche qui sont obligées d'aller quémander auprès d'autres collègues qui sont mieux dotés du matériel pour réparer une expérience ou ne serait-ce que pour poursuivre un projet. Sans compter que cette compétition... Ça gaspille du temps, ça crée des jalousies, on soupçonne du copinage, on génère des conflits d'intérêts, et puis évidemment, on peut s'arranger aussi avec la rigueur scientifique dans les articles, les publications, etc. Qu'on le veuille ou non, il faut plus d'investissement dans la recherche et une meilleure gestion des ressources humaines et des carrières. Alors, on ne sait pas ce que veut faire le gouvernement, hein, puisque depuis un an qu'il est là, grosso modo, ce thème-là, qui n'était pas présent dans la campagne, n'est pas non plus vraiment présent au sein du ministère. Donc on peut être sûr que le budget arrivera à être en légère hausse, parce que tous les gouvernements y arrivent, mais c'est pas suffisant pour régler ces questions-là. Voilà, David Larousserie, notre confrère journaliste scientifique au journal Le Monde, qui dresse un constat assez sévère, Antoine Petit. Alors oui, il est sévère, mais il aborde beaucoup de sujets, je crois que c'est... Qu'on va prendre un par un. Voilà. On va prendre le temps de les examiner un par un. Premier point, la compétition, elle est saine, elle fait partie du métier de chercheur. D'accord ? C'est-à-dire que le chercheur essaye d'être le premier, par définition. Et donc, quand vous essayez d'être le premier, il y en a d'autres qui essayent d'être le premier. Et donc, la compétition en tant que telle fait, pour moi, partie intrinsèquement du métier de chercheur. Ce que dénonçait David Larousserie, c'est la compétition par manque de moyens. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une compétition saine entre chercheurs qui ont des laboratoires bien équipés et qui se tirent la bourre pour essayer d'avoir le premier, les meilleurs résultats. Exactement. Vous avez raison, mais je pense que c'est important de bien rappeler que la compétition, en soi, n'est pas une catastrophe. Où on est dans une situation un petit peu paradoxale, et je vais prendre une métaphore sportive que j'avais déjà employée dans d'autres contextes, c'est un petit peu comme si vous recrutiez Neymar... Et que vous dites, bah écoutez, maintenant on est désolé, mais on n'a plus d'argent pour t'acheter un ballon. Tout le monde trouverait ça idiot. On est presque dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on arrive encore à recruter des chercheurs qui sont parmi les meilleurs au monde. Et au lieu de leur donner tous les moyens pour qu'ils soient efficaces et qu'ils soient directement opérationnels, on va leur dire, bah écoute, maintenant c'est bien, tu as été recruté, mais maintenant il va falloir que tu ailles chercher de l'argent à droite, à gauche pour conduire tes recherches. Et ça, c'est un petit côté absurde. La vraie question est, à mon avis, celle de l'équilibre. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une partie de l'argent qui soit via des appels d'offres, c'est ce qui se fait à travers le monde. Encore une fois, il est important de créer de l'émulation entre les chercheurs. Les appels d'offres, juste un mot, Antoine Petit, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous trouvez que la structure du financement de la recherche via l'Agence nationale de la recherche, dont on a parlé à ce micro, on va vous mettre d'ailleurs le lien vers l'émission sur le fil Twitter, qui est très très critiquée hein, par le milieu scientifique. Vous pensez aujourd'hui qu'il ne faut pas toucher, dans l'état actuel des choses, à cette structure du financement via des appels d'offres par l'ANR ou par les appels d'offres européens, mais ça, c'est autre chose. Je crois que la vraie question est celle de l'équilibre. C'est-à-dire que je ne suis pas contre, je suis favorable au fait qu'il y ait des appels d'offres. En soi, c'est pas mal. Ce qui est une catastrophe, c'est la situation actuelle dans certaines disciplines où il n'y a plus que de l'argent dans des appels d'offres. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre donner de l'argent suffisamment, de façon récurrente, comme on dit parfois, pour permettre aux chercheurs que vous avez recrutés d'exercer normalement leurs activités et que... Donc ça, c'est une première partie, et c'est aujourd'hui cette partie-là qui est insuffisante. Et puis, il y a une deuxième partie, qui est l'argent que vous allez aller gagner, parce que vous avez des projets qui sont particulièrement originaux, qui ont été jugés par les pairs, c'est pas du tirage au sort, et que sur ces systèmes d'argent, de projets sélectionnés sur la base scientifique, là, il est pas malsain qu'il y ait des agences. Mais vraiment, la bonne question, c'est l'équilibre entre les deux. Et je crois qu'on est aujourd'hui en France dans un équilibre qui n'est plus satisfaisant. Et encore une fois, c'est pas tant qu'on a mis trop dans un certain domaine, c'est qu'on n'a pas mis assez dans l'autre. Et donc, il y a eu un transfert, et c'est ça qui n'est pas bon aujourd'hui. Sur un mot sur l'ANR, parce que l'ANR est vraiment l'objet de vives critiques. Vous ne pensez pas qu'il faudrait, tout en gardant l'ANR qui sous-finance, qui fait perdre, en tout cas les scientifiques et beaucoup de chercheurs dénoncent beaucoup de temps perdu à constituer des dossiers pour rien, à peine dans mes souvenirs, mais je parle sous votre contrôle, 15% des projets sont financés, et là aussi on est vraiment en dessous de la moyenne européenne ou de d'autres types de financement via des appels d'offres en Europe. Vous pensez pas que une réforme de ce financement de la recherche par l'Agence nationale de la recherche est nécessaire et simplifierait ou assainirait un peu justement les mécanismes de financement de la recherche? Alors, si vous voulez, je pense qu'il faut regarder un peu dans le détail. C'est-à-dire que le double reproche qui est fait à l'ANR, effectivement, c'est un, que les taux de sélection sont trop faibles. Et ça, vous avez raison. Contrairement peut-être à ce qu'on peut croire si on n'est pas spécialiste, on peut dire, après tout, si on prend les 5% de meilleurs projets, autant les financer, ne financer que cela. Sauf que, par définition, la recherche est une activité à haut risque. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver. Et on sait très bien que si on arrive à des taux d'acceptation trop bas, alors en fait, ça devient un peu aléatoire. Et donc, financer à hauteur de 20-25% des projets, ça peut être une compétition qui a un sens. Si on descend en dessous de 15 ou 10%, ce qui est le cas aujourd'hui, même si ça remontait un tout petit peu, mais c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui, ça c'est le premier problème. Et puis le deuxième problème, il est que même lorsque vous êtes lauréat à l'ANR, vous n'avez pas beaucoup d'argent. D'accord ? Et ça veut dire que si on était capable de faire une espèce d'étude de coût complet entre tous ceux qui ont préparé leur dossier et qui ne sont pas pris, et les 10 ou 12% qui sont pris, mais qui finalement ne récupèrent pas beaucoup d'argent, ça fait un moteur qui dégage énormément de chaleur et pas beaucoup de puissance. Contrairement, par exemple, à un système européen qui a été mis en place il y a 10 ans, l'ERC, l'European Research Council, qui est présidé par un Français que vous avez sûrement reçu, Jean-Pierre Bourguignon, qui est un mathématicien. On ne l'a pas encore reçu, mais nous ne manquerons pas de le, ah oui, le recevoir bientôt. C'est un homme passionnant. Où là, les taux de sélection sont du même ordre, une quinzaine de pourcents. Par contre, si vous touchez une grande de l'ERC, vous avez, c'est des grants individuels, mais qui vous permettent de construire une équipe. Une bourse qui vous permet de construire toute une équipe. Et les montants peuvent être jusqu'à 500 000 euros par an pendant 5 ans. Et là, vous avez vraiment les moyens de conduire un projet scientifique. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, en France, on a un peu mis tout, on a fait un système qui a cumulé un peu tous les mauvais côtés, si je peux dire. C'est-à-dire que on a fait trop de transferts de l'argent récurrent vers l'appel à projet. Et donc la solution, c'est de remettre un peu plus d'argent sur le récurrent. Donc reprendre un peu du budget de l'ANR pour le CNRS. Ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut en mettre plus sur le récurrent, de façon à ce que les laboratoires aient un fonctionnement de base, et que sur l'argent pour appel à projet, il faut des montants qui soient significatifs pour que le système global soit efficace. Un autre élément du constat que dressait David Larousserie, qui est là aussi assez unanimement partagé, si on renvoie exactement à la marche citoyenne pour les sciences, c'était vraiment l'un des slogans principaux et l'un des griefs adressés par beaucoup de chercheurs, c'est celui de la précarisation du métier de chercheur en France. On constate effectivement de plus en plus de post-docs, de CDD. Et vous dites, Antoine Petit, dans une interview que vous aviez accordée récemment, pour des raisons budgétaires, le CNRS s'est privé de la possibilité de recruter des CDD et des post-docs ces dernières années, il est de toute nécessité qu'il la retrouve, je m'y emploierai. Vous allez me dire, multiplier les CDD scientifiques, c'est aller dans le sens de la précarisation de la recherche, je m'inscris en faux, voilà vos propos, ça veut dire que vous voulez développer encore un peu plus cette précarité qui est déjà très largement critiquée. Alors, moi je n'accepte pas de faire le lien entre CDD et précarité. Dans mes fonctions précédentes, comme vous l'avez rappelé, j'étais à INRIA, on formait beaucoup de docteurs en sciences des données, des data scientists, comme on dit maintenant. Je peux vous dire qu'ils n'étaient pas précaires, ils avaient juste, à la fin de leur doctorat, le choix entre 10 ou 20 offres d'emploi. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une situation un peu paradoxale, puisqu'en France, on dit que la place du doctorat n'est pas assez reconnue dans la société française. Mais pour qu'elle soit plus reconnue, il faut qu'il y ait plus de docteurs dans les différentes couches de la société, y compris dans les couches où on ne fait pas de recherche. Et c'est le cas dans un pays comme l'Allemagne ou les États-Unis où si vous êtes docteur, même quand vous allez acheter votre pain, on vous dit Herr Docteur ou Frau Docteur. Et si vous êtes aux États-Unis, il y a une légende, je n'ai jamais vérifié, mais je crois qu'elle est vraie, qui disait que Bill Clinton lui-même avait sur sa carte de visite PhD, c'est-à-dire doctorant. Et donc, si on veut qu'il y ait plus, si on veut que le doctorat soit plus reconnu et qu'il y ait plus de docteurs dans la société, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui vont faire un doctorat et qui vont le considérer comme une formation par la recherche et non pas à la recherche. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui ont vocation à être chercheurs. Et donc, le fait qu'on ait plus de doctorants avec l'idée que c'est qu'une bonne partie de ces doctorants va aller dans les différentes sphères de la société, c'est important. Et donc, oui, on aura plus de doctorants, mais non, on n'aura pas créé de la précarité. On aura créé des gens qui sont employables et qui pourront aller dans les différentes couches de la société apporter cette dimension de formation par la recherche qui est extrêmement importante de mon point de vue. Mais en quoi le fait d'employer plus de CDD et plus de contrats courts, effectivement de contrats précaires au sein du CNRS va permettre de mieux diffuser les docteurs au sein de la société, au sein du privé, dans la sphère publique, dans la sphère des décideurs, etc. Alors l'idée c'est d'en avoir plus, effectivement. Je pense qu'il faut qu'on ait plus de docteurs, qu'on pourrait imaginer un système, alors on serait le seul pays au monde à faire ça, à proposer des CDI aux docteurs, rang. Au doctorant. Au doctorant, ça je crois que ça se fait pas nulle part, donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein. Donc, donc je pense qu'il est, il est normal que les doctorants aient un CDD qui correspond à leur période de thèse. Simplement, c'est pas la même chose si vous les employez tous en leur disant, ben voilà, ou bien tu deviens chercheur, ou bien tu es précaire. Je pense que c'est pas ça le deal. Le deal, c'est leur dire, quand tu auras fini ton doctorat, tu seras docteur, et donc tu auras plusieurs possibilités qui s'offriront à toi. Peut-être celle d'être chercheur si c'est un métier qui te plaît, peut-être celle de créer une start-up si c'est quelque chose qui t'amuse, peut-être aussi d'aller dans l'administration. Et pourquoi est-ce que c'est important que le CNRS ait ses propres marges de manœuvre ? Mais parce que c'est un peu le biais des appels à projets que vous évoquiez tout à l'heure, qui est que si vous êtes dans une compétition où il y a 10% ou 5% d'élus, selon toute vraisemblance, on va favoriser les recherches qui sont un peu classiques, j'ai envie de dire. Si vous avez des recherches un peu de rupture sur des sujets un peu fous, c'est pas via des appels comme ça qu'elles seront sélectionnées. Par contre, le CNRS sera dans son rôle complet de dire « Ok, ça, c'est un sujet risqué, mais la personne qui le propose, son CV est telle qu'on se dit elle a toutes les chances de réussir et elle le fait dans un laboratoire qui est un des meilleurs dans son domaine. » Et donc, c'est important qu'on puisse, avec notre argent, entre guillemets, décider de mettre l'accent sur tel ou tel sujet de recherche, ce qui est beaucoup plus difficile à faire via des appels d'offres dans lesquels la compétition est trop forte et où donc c'est un peu les choses un peu business as usual qui risquent d'être sélectionnées. Mais alors pour qu'on comprenne bien votre logique, Antoine Petit, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui justement aux jeunes docteurs qui viennent de terminer leur thèse, leurs travaux de recherche et qui, comme beaucoup, bien cherchent dans la recherche, qui veulent continuer, qui veulent poursuivre une carrière dans la recherche et qui enchaînent des post-docs, un, deux, qui sont obligés d'aller à l'étranger, qui trouvent pas de poste, qui galèrent, qui sont sous-payés, qui sont particulièrement en France, mais qui sont souvent obligés parfois de partir bien en Allemagne ou aux États-Unis pour finalement mettre le pied à l'étrier et commencer leur carrière. Le problème se situe bien au début de la carrière de ces jeunes chercheurs. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites. D'abord, il est tout à fait anormal que l'âge de rentrée au CNRS augmente régulièrement. Ça, c'est anormal. 30 ans, disait David Larousserie à l'instant. Oui, je crois que c'est même plus que ça. C'est nettement plus que ça dans certaines disciplines. D'accord ? Donc ça, il est tout à fait anormal que quelqu'un soit obligé, après sa thèse, d'enchaîner 3-4 post-docs avant de rentrer au CNRS, le cas échéant. Ce qui me semble, moi, le schéma normal, c'est vous faites votre thèse, vous allez faire un post-doc parce que c'est d'ouverture, et ensuite, vous rentrez au CNRS. Après, ce dont il faut évidemment être conscient, c'est que tous les gens qui ont fait une thèse, tous les gens qui sont docteurs, ne peuvent pas rentrer au CNRS et à l'université. D'accord ? Et donc, je crois que la responsabilité, elle est au départ. C'est-à-dire, lorsque on décide de recruter des docteurs rang, des doctorants. Doctorants. Lorsqu'on décide de recruter des doctorants dans un certain secteur, on se doit de savoir ce que ces gens vont devenir. C'est-à-dire que pour moi, la responsabilité d'un directeur de thèse ou d'un laboratoire ou d'un organisme comme le CNRS n'est pas, au moment où on recrute un doctorant, de lui dire « t'auras ta thèse », c'est de savoir ce que tu feras après. Et donc, il y a des secteurs dans lesquels la question de l'employabilité ne se pose pas. Comme aussi bien les sciences humaines et sociales, dans beaucoup de domaines des sciences humaines et sociales, pas tous, mais aujourd'hui il y a une appétence des industriels aussi pour les sciences humaines et sociales, en tout cas dans certains secteurs, que pour les gens qui font des data scientists dont je parlais tout à l'heure, ou les chimistes qui n'ont pas de problème d'employabilité. Il y a d'autres domaines dans lesquels l'employabilité se pose, et là je crois que c'est pas une fois que c'est trop tard. La biologie par exemple, c'est clair qu'aujourd'hui on a des vrais problèmes d'emploi dans la biologie et les jeunes chercheurs que vous évoquiez tout à l'heure qui sont obligés de cumuler post-doc après post-doc, c'est clair que c'est une situation qui n'est pas acceptable. Simplement, je pense que la responsabilité, elle est collective. C'est-à-dire, il faut pas, si vous formez 1000 docteurs dans un domaine alors que vous savez qu'à la fin, il y a 300 offres d'emploi, et bien là, vous avez créé de la précarité. Si par contre, vous en formez 2000 dans un secteur où il y a 4000 offres d'emploi, là, vous n'avez pas créé de précarité. Ça veut dire peut-être un peu plus de sélection à l'université, ou en tout cas à l'entrée en thèse ? Alors, il y a déjà une sélection forte à l'entrée en thèse, mais oui, bien sûr, ce serait normal, en tout cas... Dans les secteurs en tension ? Dans les secteurs en tension, ou à minimum, il faut prévenir les gens. Après vous tout, venez, mais on ne vous donne pas de travail derrière. Oui, mais c'est par exemple ce qu'on n'ose pas faire à l'entrée à l'université. À l'entrée à l'université, vous savez que si vous avez un bac professionnel, que vous rentrez à l'université, vous avez 4% de chance de sortir avec une licence. Non pas en 3 ans, de sortir avec une licence. Ça, c'est une information qui est connue par un certain nombre de gens, mais qui n'est pas connue par les familles. Après, si les gens ont envie d'être, j'ai envie de dire, suicidaires, je n'ose pas dire que c'est leur droit, mais chacun a le droit de faire les études qu'il veut, mais pas en se disant, en plus, ça me donnera un emploi. Je pense qu'on se doit de donner cette information, à la fois aux gens qui rentrent en licence, mais aussi aux gens qui commencent un doctorat. Un mot peut-être aussi, Antoine Petit, on en parle souvent sur le niveau de rémunération des chercheurs aujourd'hui en France. On entend dire que les chercheurs en France sont pas seulement pas très bien considérés, mais sont relativement mal rémunérés par rapport à leurs collègues. Est-ce qu'il faut revaloriser aujourd'hui le salaire des chercheurs ? Alors je crois que ça c'est vraiment vrai. Et là encore, c'est pas de la plainte, il suffit d'aller regarder combien sont payés les gens dans les pays limitrophes. Je parle pas des gens en Asie, mais allez, si vous êtes aujourd'hui doctorant ou post-doctorant, que vous franchissez la frontière, que vous allez en Suisse, en Luxembourg, en Allemagne, c'est moins vrai probablement en Italie, en Espagne, mais vous allez gagner de façon très sensible. C'est quoi pour donner un ordre de grandeur à un chercheur dans un salaire d'entrée de carrière et de fin de carrière en France ? Alors, d'entrée de carrière, c'est moins de 3000 euros brut par mois pour des gens qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, à bac plus 10, 11. C'est pas beaucoup. Alors bien sûr, par rapport au SMIC, c'est beaucoup plus. Mais pour des gens qui sont à bac plus 10 ou 11, c'est pas beaucoup. Et c'est d'autant moins... Les chiffres que j'ai, moi, c'est entre 2002 et 2006 brut, hein, à l'entrée de carrière. Alors, oui, mais si vous voulez, tout est vrai. C'est-à-dire... mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez raison. Le premier échelon de chargé de recherche, c'est les chiffres que vous donnez. Simplement, aujourd'hui, les gens qui rentrent, comme ils ont fait ce petit parcours, ils rentrent plutôt directement au 3e, 4e. Donc la moyenne, elle est plutôt autour de 3000 bruts. Mais c'est vrai que les cas les moins favorables sont 2002, ce qui est juste une misère. Et c'est d'autant plus une misère si on vous dit t'as 2002 à Grenoble ou 4000 à Genève. Là, c'est même pas qu'il faut aimer la France, parce que vous pouvez continuer à vivre en France, mais il faut vraiment se poser la question. Et là, qu'on le veuille ou non, on est dans un système qui est concurrentiel. Et donc, c'est clair qu'aujourd'hui, la France ne donne pas, et encore une fois, c'est un problème de comparaison, ne donne pas, en particulier à ces jeunes chercheurs, des conditions qui sont à la hauteur de ce qui se fait dans ses principaux concurrents. Donc il y a une priorité aujourd'hui dans l'augmentation du budget de la recherche et du CNRS à mieux rémunérer les chercheurs du CNRS ? Pas seulement du CNRS, les chercheurs en général, et en particulier les jeunes chercheurs. You gotta be fortunate. You gotta be lucky now. I was just sitting here thinking good and bad, but I'm the kind of woman that was built to last. They tried erasing me, but they couldn't wipe out my past. To save my child, I'd rather go hungry. Got all these wounds that just won't heal inside of me, and my blood flows through every man in this godless land that delivered me. I've cried so many tears, even the black at sea. Woman, this is a woman's world, this is my world, this is a woman's. Clean and I fed, and for my healing. I've crackled in the fire. Now I've been called a liar. I've died so many times. I'm only just coming alive, woman. This is a woman. Voilà la reprise de Woman par Alex Hepburn, puisque c'est aujourd'hui le 8 mars, la journée internationale pour le droit des femmes. Nous allons en parler d'ailleurs avec notre invité qui est Antoine Petit, le nouveau président, le nouveau PDG du CNRS. Un mot, Antoine Petit, pour dire, alors ça n'est évidemment pas de votre faute à vous, mais néanmoins, quand on regarde le tableau en France, à la tête des grandes institutions scientifiques, eh bien, il n'y a pas beaucoup de femmes. Non, il n'y a pas beaucoup de femmes. Le CNRS a quand même eu quelques directrices ou PDG de renom. Je pense à Catherine Bréchignac ou à j'ai oublié son prénom, Berger, avant. Je perds aussi, mais je vais le retrouver. Bah, oui, ça nous reviendra. Maintenant, je pense que le vrai sujet, il est vraiment la question de la place des femmes dans la recherche en général. Vous savez qu'au CNRS, on est à 33... Claire Berger, pardon. Non, pas Claire. Non. Si. Non ? Non. On va le retrouver. Bon, peu importe. Geneviève Berger. Geneviève Berger, voilà, là, bravo. Oui, pardon. En plus, je ne connais qu'elle, je suis désolé. Pardon à Geneviève Berger. Donc, oui, vous avez raison, la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dirigeante femme, mais on a eu Marion Guilloux à l'INRA il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'est à la limite la partie émergée de l'iceberg. La vraie question, c'est la place des femmes dans la science française. Au CNRS, on est à 34% de femmes, ce qui est notoirement insuffisant. À l'INRIA, où on faisait les mathématiques et l'informatique, qui sont des secteurs qu'on sait plus masculins, on était à 18% de femmes. Ça, c'est absolument dramatique. Et juste avant vous, j'inaugurais un colloque qui avait lieu au CNRS sur précisément la place des femmes. Je crois qu'il faut vraiment qu'on s'interroge, parce que on a de la perte en ligne à tous les moments, c'est-à-dire qu'on a grosso modo 55% de femmes qui commencent des études supérieures. Au début, la courbe est surprenante. Voilà. Et on arrive à 33% de doctorantes financées. Donc ça, c'est, et on arrive à 1% de prix Nobel. Voilà, et ça c'est un vrai sujet. Et je crois qu'il faut qu'on c'est un sujet, d'abord, c'est un vrai sujet qui ne concerne pas les femmes, mais la France et la science en général, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que s'il y avait une solution simple, d'autres que nous l'auraient mise en œuvre. Et par contre, je pense que c'est un tas de petites choses qui sont nécessaires de prendre en compte, à la fois en amont, c'est-à-dire comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui souhaitent devenir chercheurs ou qui souhaitent faire une thèse. Et puis ensuite, une fois qu'on les a recrutées, comment on fait pour avoir plus de femmes qui montent les différentes catégories ? Des échelons de... Oui, tout parce que si on prend le CNRS, on voit que plus on monte dans les grades, plus la proportion de femmes diminue. Pas seulement au CNRS, hein, vous rassurer, dans toutes les grandes institutions scientifiques, plus on monte dans les hiérarchies et plus la proportion de femmes diminue. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir recours à des quotas, puisque ce sont des institutions publiques après tout ? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas faire preuve d'exemplarité et imposer par la loi des quotas, comme il peut y avoir des quotas de parité dans la représentation publique ? Alors, souvent, les scientifiques femmes sont les plus opposées aux quotas parce que, et je les comprends, elles veulent être reconnues pour leur qualité scientifique et pas parce qu'elles sont des femmes. Je crois que je suis pas sûr que le système des quotas soit pour la science le bon système. Je crois qu'il faut plutôt veiller à tout ce qui fait qu'à un moment, sans même se rendre compte, on a un discours qui est plus masculin que féminin. À INRIA, on avait mis en place une mission parité et égalité qui nous avait fait travailler sur tous les textes, par exemple les textes pour recruter les fiches de poste des directeurs de recherche. Et bien en fait, on s'était rendu compte que sans aucune mauvaise volonté de notre part, on employait des termes qui avaient une connotation peut-être plus guerrière, plus masculine, et on avait revu tout ça. Encore une fois, chaque mesure prise individuellement peut être considérée comme un peu anecdotique, mais je crois que c'est vraiment par un tas de petites mesures comme ça qu'on va faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui, à la fois, donc, commencent une thèse, parce qu'il faut élargir le vivier, mais à chaque étape de la carrière, avoir plus de femmes qui prennent des responsabilités, ce qui permettra à la fin, pour les quelques responsables d'organismes de recherche, parce qu'il faut se faire associer attention à ne pas faire des statistiques sur des nombres trop petits, mais qu'effectivement, il n'est pas normal que, non pas en ce moment, mais si on regarde sur une période de 10 ans ou 15 ans, qu'il y ait eu aussi peu de femmes, qu'il y ait eu des postes de responsabilité dans l'enseignement supérieur et la recherche. Un mot également, Antoine Petit, puisque David Larousserie l'évoquait tout à l'heure à la fin du petit tour d'horizon qu'il a fait en début de cette émission autour du CNRS et de l'état du CNRS en 2018, autour des questions liées à l'intégrité et à la rigueur scientifique. Il s'avère que entre Alain Fuchs et vous, c'est une femme qui a pris l'intérim, Anne Perroche, qui a été un peu destituée d'avoir été mise en cause dans des questions d'intégrité, de modification d'image sur certains articles. Récemment, Catherine Jessu a été innocentée par une commission d'enquête du CNRS après avoir été également mise en cause pour des questions d'inconduite scientifique autour de la modification de certaines images. Alors l'enquête qui a été diligentée par le CNRS l'a exonérée de toute volonté frauduleuse. Mais on sait que ça fait aujourd'hui un certain temps qu'il y a de plus en plus d'exigences autour, en tout cas de questions autour de la reproductibilité des études, autour de ces notions d'intégrité scientifique qui sont liées pas systématiquement à des intentions, encore une fois, frauduleuses, mais à un contexte de compétition, de pression, de publish or perish, cette fameuse règle qu'il faut qu'il fasse publier à tout prix, pour lesquelles on finit par effacer un écart type qui nous gêne un peu pour publier absolument un papier. Comment prendre en compte ces problématiques-là, Antoine Petit ? Alors, deux précisions, si vous me permettez. La première, c'est que la commission d'enquête était faite avec l'UPMC, l'Université Pierre et Marie Curie, maintenant Sorbonne Université, juste pour rendre à César ce qui appartient à l'UPMC. Le deuxième point, c'est, je crois que rien ne justifie la fraude scientifique. Rien. Et il faut que la communauté scientifique soit de la plus grande sévérité avec les gens qui ont fraudé. À l'inverse, le principe de présomption d'innocence doit absolument être respecté. Et je dois dire que ces questions d'intégrité scientifique en biologie sont quelque chose que je découvre en arrivant au CNRS. Je suis pour ma part très choqué du principe de dénonciation anonyme qui permet à n'importe qui de porter un doute sur les travaux de n'importe qui. Alors, il faut préciser, Antoine Petit, je vous interromps, parce qu'effectivement, il faut préciser pour nos auditeurs que Catherine Jessu a été mise en cause à travers un site qui s'appelle PubPeer, qui a été fondé d'ailleurs par deux anciens chercheurs du CNRS, précisons-le, qui sont toujours d'ailleurs, et qui permet précisément à n'importe qui de venir, et de façon anonyme, de poser sur la place publique des erreurs, des inconduites scientifiques, des modifications, et de solliciter de manière donc certes anonyme, mais en tout cas les auteurs de ces études pour leur demander rectification ou en tout cas pour les accuser en l'occurrence de fraude. Est-ce que ça veut dire en même temps c'est une forme de régulation et de rectification qui rentre en plein dans cette question de la reproductibilité, de dire quand on regarde, eh bien il y a un problème, ces expériences n'ont pas été faites de manière assez scrupuleuse peut-être. Oui, enfin si vous voulez je vais prendre une comparaison qui va peut-être vous sembler un peu excessive mais qui pour moi est du même ordre. Imaginez que de façon anonyme, on puisse vous accuser de pédophilie. Pardon. Je pense que, excusez-moi, c'est l'émotion. Je pense que on est un peu dans le même ordre de grandeur. Donc c'est encore une fois, la fraude scientifique, il faut la combattre avec la plus grande sévérité. Mais aujourd'hui, on est dans un système où des gens anonymes peuvent semer le doute sur des scientifiques qui a priori sont de renom. D'une certaine façon, ne risquant rien. Alors, on pourrait me dire, oui, mais il est normal de respecter les lanceurs d'alerte. D'accord ? Je crois qu'aujourd'hui, les moyens numériques, que je connais un tout petit peu, permettraient tout à fait de dire aux gens, écoutez, voilà, vous faites une accusation anonyme, on va faire une enquête, mais si jamais l'enquête montre que vos accusations sont infondées, alors votre nom sera divulgué. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un système qui est malsain. Comme par hasard, Catherine Jessu et les gens qui sont accusés sont souvent des gens qui sont dans des postes de responsabilité. Qui est la marraine de la méthode scientifique, c'est notre première invitée de l'année. Donc voilà. Vous voyez toute la bienveillance qu'on peut avoir pour le parcours professionnel et scientifique de Catherine Jessu. Si vous voulez, moi, quand j'ai pris mes fonctions au CNRS, Catherine Jessu est venue me voir pour m'expliquer ce qui se passait. Et je lui ai dit, et elle l'a accepté, je lui ai dit, je te préviens Catherine, si jamais la commission d'enquête conclut à ta culpabilité, même si je te trouve très sympathique, il n'y aura aucune bienveillance de ma part. Tu seras viré du jour au lendemain. D'accord ? Donc, il ne faut pas confondre l'affect et le fait que les gens soient sympathiques. Malheureusement, parmi les gens sympathiques, il y a des gens qui trichent. D'accord ? Donc, il ne faut vraiment mettre aucun affect là-dedans. Par contre, encore une fois, on ne peut pas se permettre, sous le biais de dénonciation anonyme, de jeter la suspicion sur le travail des gens. Moi, je ne connais pas beaucoup de métiers où n'importe qui peut, de façon anonyme, mettre en cause la qualité de ce que vous faites. Je pense que les journaux scientifiques sont quand même des revues qui font appel à des process avec des expertises. Et je crois qu'il faudra aussi leur demander des comptes le jour où il y aura eu des fraudes scientifiques révélées. Donc voilà. Donc il me semble aujourd'hui qu'il y a pour la communauté un vrai enjeu. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Olivier Le Gall, qui est donc le président du conseil de l'Office, l'Office français d'intégrité scientifique, avec un petit groupe de personnes, de me proposer des procédures qui vont permettre de traiter, encore une fois, avec la plus grande rigueur et, j'ai envie de dire, la plus grande intégrité, ces questions d'intégrité scientifique. Encore une fois, ce qui me semble important, c'est respecter la présomption d'innocence, ne pas accepter que n'importe qui peut se dire n'importe quoi, et à l'inverse, dans les quelques cas où il y aura eu fraude, il faudra être très sévère, parce que c'est aussi une question de relation entre la science et la société. Il faut que la science ait confiance en la société, pardon, ait confiance en la science, et que si cette science n'est pas intègre, elle n'aura plus confiance. En un mot, effectivement, pour confirmer ce que vous dites, le comité d'enquête a exonéré Catherine Jessu et ses équipes, puisqu'elle n'était pas première signataire d'aucun des articles incriminés de toute volonté frauduleuse. Néanmoins, il y a eu des correctifs qui ont été apportés. Des correctifs, oui, voilà, sur certains. Mais vous conviendrez, tout le monde verra que ce n'est pas la même chose d'avoir fait une erreur que d'avoir triché. Pour avancer un peu dans notre débat, vous avez, Antoine Petit, défini un certain nombre de priorités pour votre mandat. La première d'entre elles consiste, on l'a dit tout à l'heure, à soutenir la recherche fondamentale. Vous avez confié à une interview mes années de PDG à INRIA, m'ont convaincu que la recherche fondamentale est la base de tout. C'est le socle sur lequel se construisent l'avancée des connaissances, mais aussi les relations avec les industriels ou les missions d'expertise auprès des décideurs. Et à ce propos, Alain Fuchs nous a répondu pour nous livrer justement ses réflexions après avoir passé plus de 7 ans à la tête du CNRS. Il parle un peu de la même chose que vous, écoutez. La réflexion que je me fais aujourd'hui, après quelques mois de recul, sur la fonction de président du CNRS telle que je l'ai assurée, c'est que je crois que ma tâche a été de faire en sorte que le plus possible on fiche la paix aux chercheurs pour qu'ils fassent leur travail sur le long terme. Voilà. Bien sûr que on nous demande, nos tutelles, la puissance publique nous demande à juste titre quelles sont nos priorités. Fondamentalement, le rôle du CNRS, me semble-t-il, est de donner le plus possible aux chercheurs les moyens de travailler de façon autonome et j'insiste sur des temps longs, c'est-à-dire de faire confiance. Alors c'est pas toujours facile de dégager les moyens suffisants, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est le genre de pari qu'on peut faire, et à la fin ça paye. Par exemple, je pense à la détection des ondes gravitationnelles, il s'agissait de construire l'instrument Virgo, qui est un instrument franco-italien, alors que les États-Unis et les Américains développaient deux instruments de leur côté. C'est des investissements importants. Si on n'est plus capable de faire cela, c'est la place de la France dans le paysage international qui est menacée. Donc je crois que le plus important finalement, c'est de penser toujours à ce qui se passe dans les labos, de se placer toujours du point de vue du chercheur et des équipes de recherche. Les grandes découvertes scientifiques sur le long terme sont relativement imprévisibles. On doit pouvoir faire confiance, prendre des paris. C'est dépasser les frontières de la connaissance, c'est explorer l'inconnu, et c'est de ces explorations-là que sortiront obligatoirement des ruptures scientifiques et des ruptures scientifiques auxquelles on ne s'attendait pas et qui viennent la plupart du temps d'endroits où on ne les attendait pas. Et je pense que c'est un des rôles du CNRS qui est de envers et contre tout, de promouvoir cette idée selon laquelle nous devons explorer les frontières de la connaissance et qu'il en sortira obligatoirement des résultats nouveaux qui amèneront des ruptures technologiques. Et donc on a besoin d'une institution qui continue à promouvoir et à faire le maximum pour que on puisse mener des recherches tous azimuts et des recherches risquées. Voilà, Alain Fuchs qui plaide pour le temps long. Vous partagez ce point de vue, Antoine Petit ? Alors oui, bien sûr, la recherche s'inscrit dans le temps long. Mais mon propos initial était plutôt de lutter contre une mode que je considère comme étant française, c'est-à-dire d'accoler un adjectif à recherche, avec la recherche appliquée, applicable, intégrative, etc., etc. Si vous essayez de traduire ça en anglais, vous ne trouvez pas, mais on aime bien en France expliquer qu'il y a des recherches qui sont plus nobles que d'autres. Moi, ma conviction profonde est que dans recherche fondamentale, il y a le mot fondement, et encore une fois, comme vous l'avez lu, c'est là-dessus qu'on va construire. Après, le fait de savoir est-ce que l'impact va être à court, à moyen ou à long terme, c'est vrai, que le plus souvent on ne le sait pas. Par contre, on sait très bien quels sont les résultats de recherche fondamentaux, quels sont les résultats de recherche fondamentale qui sont un peu hors normes. D'accord ? Et c'est cela qu'il faut encourager. Et je crois qu'on n'est pas assez en accord avec ce que dit Alain Fuchs. Simplement, moi, je rajouterais une dimension qui est que cette recherche fondamentale peut tout à fait se faire en liaison aussi, pour une part d'entre elles, avec le monde industriel. Il n'y a pas d'opposition à avoir entre les deux. Excusez-moi de vous interrompre. On vous entend beaucoup là-dessus. Hein, c'est l'un vos chevaux de bataille. C'est vraiment de renouer des liens entre recherche publique et recherche privée. Vous trouvez qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment la recherche publique, le CNRS ne fonctionne pas encore suffisamment avec les entreprises, avec l'industrie, avec les startups. Vous dites vouloir monter, profiter de CNRS Innovation pour aider à monter un certain nombre de startups. Alors, pendant très longtemps, dans notre pays, c'est vrai quand j'ai fait ma thèse, il y a très longtemps, d'accord, mais on opposait un peu le monde académique et le monde industriel. Je pense que c'est une opposition qui n'a aucun sens. Souvent, on prend en France comme exemple la Silicon Valley, qui fait rêver tout le monde. Si vous allez voir en Silicon Valley, il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est des gens qui travaillent ensemble. Et il y a des recherches fondamentales qui se font en Silicon Valley et qui sont au meilleur niveau international. Mais simplement, comme les gens qui font ces recherches fondamentales travaillent de façon très rapprochée, même c'est beaucoup privé, la Silicon Valley, tout de même. Oui, c'est pas très académique. Mais Stanford et Berkeley, c'est plutôt pas mauvais comme université. Oui, ok. c'est le bon exemple. C'est à la fois Facebook et Apple et Google et Microsoft qui sont dans le coin, et Berkeley et Stanford. Et c'est tout à la fois. Et moi, le seul message que je voudrais faire passer, c'est qu'il faut, et je pense qu'il faut, encore une fois, on a fait beaucoup de progrès, mais qu'il faut qu'on continue. Et les progrès sont à faire des deux côtés. C'est-à-dire, il faut que les académiques tous comprennent que travailler et discuter avec les industriels, c'est pas, on leur demande pas de choisir nos sujets de recherche, mais qu'ils donnent leur avis sur un certain nombre de sujets qu'ils s'y intéressent et quelque chose de bon, et inversement. Et encore une fois, je ne veux sûrement pas freiner la liberté du chercheur. Simplement, je pense que du dialogue peut émerger des choses qui sont intéressantes et nouvelles. Le CNRS travaille avec l'industriel. On a une vingtaine de ce qu'on appelle des unités mixtes de recherche avec des gens UMR. Comme des UMR, avec Total, Saint-Gobain, Suez, Fabre. Je pense qu'on peut augmenter ce genre de choses. On peut augmenter le nombre de start-up. Comment on fait alors ? Comment concrètement on fait ? Parce que c'est très bien de dire aux chercheurs allez plus travailler en entreprise ou aux entreprises de dire mais laissez rentrer les chercheurs. Mais comment on les crée ces synergies-là ? Alors là encore, s'il y a une recette miracle, je pense qu'il faut regarder ce qui se fait à l'étranger. Si on regarde, souvent les gens ont quelque chose qui n'existe très peu en France, c'est une espèce de double position, c'est-à-dire ils passent une partie du temps dans l'entreprise, une partie du temps dans le laboratoire de recherche, ça crée des synergies. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Il faut essayer d'expliquer aussi, et ça rejoint la question qu'on posait sur les doctorants, qu'à l'issue de la thèse, une voie de sortie possible, c'est la création de start-up. Il ne s'agit pas de dire tous les doctorants vont devenir des start-upers, ça serait totalement idiot. Il ne s'agit pas de dire tous les chercheurs doivent travailler avec le monde industriel, ça serait totalement idiot. Il s'agit simplement de dire il y a deux mondes qui sont complémentaires et le fait d'augmenter les synergies entre les uns et les autres, ça sera bénéfique à notre pays, ça sera bénéfique à sa recherche, ça sera bénéfique à ses emplois et ça sera bénéfique à la création de valeur. Donc le CNRS, rouage de la Startup Nation, cher au président de la République ? Je ne sais pas. Je... forcément, on y pense, Antoine Petit, comment ne pas y penser ? Comment ne pas y penser ? Mais je pense que le CNRS, comme vous le savez, fêtait ses 80 ans l'an prochain, que le CNRS était là avant le président actuel et sera là après le président actuel. Et je pense que ça rejoint le temps long que soulignait Alain Fuchs. Simplement, je pense que le CNRS doit être en prise avec la société dans laquelle il vit. Et qu'aujourd'hui, encore une fois, si on veut que notre pays se développe, si on veut que notre pays crée de la valeur et des emplois, il faut qu'il profite de cette extraordinaire qualité de la recherche que nous avons en France. Mais le CNRS est déjà à l'origine de la création, si mes chiffres sont exacts, de 1300 start-up, dont 80% sont toujours sur le marché. Alors, ce qui pose un peu la question de la notion de start-up, puisque la start-up, normalement, c'est quelque chose, c'est une prise de risque, pas seulement financier, mais aussi intellectuel, industriel, scientifique. Est-ce que vous craignez pas que la barque soit un peu lourde pour des chercheurs à qui on va demander de devenir des chercheurs entrepreneurs, des chercheurs personnels administratifs, des chercheurs leveurs de fonds, et au bout de la chaîne, ils finissent à la fin, une fois qu'ils ont fait tout ça, seulement par être des scientifiques ? Non, parce qu'il ne s'agit pas de demander à la même personne de faire tout ça à la fois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront des chercheurs toute leur vie, parce que le monde industriel est un monde avec lequel ils collaborent peut-être, mais ce qui les motive le matin en se levant, c'est uniquement ou essentiellement l'avancée des connaissances. Donc, il ne s'agit pas d'obliger quiconque. Il s'agit de regarder, dans un domaine qui est profondément international, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui marchent mieux dans certains pays que chez nous. C'est tout. Et donc, le but n'est pas que tout le monde fasse tout et de se transformer les gens en espèce d'homme orchestre. C'est simplement d'avoir un écosystème dans lequel on va favoriser les uns les autres. Après, sur le fait que les startups grossissent pas, je pense que le rôle des organismes de recherche, c'est de créer des startups. Et le fait que ces startups soient vraiment up, d'une certaine façon, ça dépend plus des organismes de recherche. Ça dépend d'éléments qui sont absolument essentiels, mais qui est tout le système de financement qu'il y a après et qui pose d'autres questions, qui pose des questions de l'échelle européenne. C'est juste pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, précisément sur l'échelle européenne, nous sommes allés interviewer votre confrère allemand Peter Strohschneider, qui est président de la DFC, qui est la Fondation allemande pour la recherche scientifique, où la recherche, vous allez l'entendre, est structurée très distinctement de chez nous. Écoutez. France is a centralized state. Germany is a highly federalistic, differentiated. La recherche en France a la particularité d'être très centralisée, alors que l'Allemagne est plus fédérale à ce niveau-là. Les grandes structures de recherche et les agences de financement sont proches du gouvernement, notamment autour de Paris, alors qu'en Allemagne, la recherche se fait sous une administration indirecte, avec une certaine forme d'autonomie. La DFG, par exemple, ou la Max Planck Society. La différence provient aussi de l'organisation de la recherche et du mode de financement, et de la confiance entre les laboratoires et les agences administratives. Le système de recherche en France pose des problèmes, non pas sur des questions de performance ou de challenge, ce qui peut être le cas en Allemagne aussi, mais sur la politique de recherche et la liberté des laboratoires. Je pense que dans un système davantage pluridisciplinaire, la liberté de la recherche, l'autonomie des décisions sur les projets de recherche et le financement sont garantis. Et cette autonomie est essentielle pour la productivité et l'innovation dans les processus de recherche scientifique. La confiance est aussi importante dans la recherche, mais elle est actuellement sous pression, voire en plein délitement. Et aussi, la confiance, trop principalement misée sur les projets à court terme avec des applications directes, représente un risque pour l'avancement des sciences au niveau fondamental, ce qui peut impacter fortement l'innovation ensuite. Il y a un manque de confiance de la part des politiques, spécialement à ce niveau de recherche, qui a priori, sans se projeter, ne produirait rien en termes d'application. Par rapport à la France, la Max Planck Society a cette autonomie, au niveau de ses décisions, de ses procédures, de sa politique interne, et dans toutes ses interventions de manière générale. Voilà, Peter Strohschneider, le président de la DFG. En un mot, Antoine Petit, trop centraliser le CNRS, il faut décentraliser à l'image de l'Allemagne, puisqu'il faut prendre des bons exemples à côté de chez nous. Je crois que en un mot, c'est compliqué. C'est toujours très dur de faire des comparaisons entre pays. Je pense que les vrais challenges aujourd'hui, c'est la place de la recherche dans le pays, qui n'est pas la même en France, en Allemagne. C'est la place du chercheur. C'est aussi la relation avec le monde industriel. Et sinon, je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit. La recherche s'inscrit souvent dans le temps long. Mais encore une fois, ce temps long ne doit pas conduire à une opposition entre le monde académique et le monde industriel. Antoine Petit, mille merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien passionnant. On aurait bien prolongé d'une heure de plus, mais vous reviendrez ici. Avec et puis plaisir. On suivra votre action et tous vos accomplissements à la tête du CNRS de très près avec bienveillance ici à la Méthode Scientifique. Merci à toute l'équipe de la Méthode Scientifique. Je vous dis juste un mot pour vous encourager à aller voir le camarade Étienne Klein. Vous savez, tous les samedis après-midi au théâtre de l'Odéon, il reçoit le professeur Jean-François Toussaint pour une discussion consacrée au corps et à la médecine. C'est samedi à 14h30. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit sur franceculture.fr. Un petit mot pour vous dire que demain, c'est une table ronde d'actu. Il sera question de l'enseignement des mathématiques, cette discipline qui ne sert strictement à rien si on en croit un ancien ministre de l'Éducation nationale. Mais on parlera aussi de la représentation des trous noirs et, last but not least, de l'expertise scientifique autour de la méditation et de l'hypnose. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.